Le mari s'éveilla dès les premières pâleurs du jour. Son beau-père vivait encore. Il secoua sa femme, inquiet de cette résistance du vieux. « Dis donc, Fémy, il n'en veut point finir. Qu'est-ce que tu ferais, t'es ?» Il la savait de bons conseils. Elle répondit, « Il passera pour le jour, pour sûr. Il n'y a point à craindre. Pour lors que le maire n'opposera pas, qu'on l'enterrera de même demain, vu qu'on l'a fait pour mettre renard le paix, quatre est passé jusqu'aux semences. » Il fut convaincu par l'évidence du raisonnement et il partit au champ. Sa femme fit cuire les douillons, puis accomplit toutes les besognes de la ferme. À midi, le vieux n'était pas mort. Les gens de journée, loués pour le repiquage des cossards, vinrent en groupe, considérer l'ancien qui tardait à s'en aller. Chacun dit son mot, puis ils repartirent dans les terres. À 6 heures, quand on rentra, le père respirait encore. Son gendre à la fin s'effraya. « Qu'est-ce que tu feras à cette heure, t'es, Fémy ?» Elle ne savait non plus que résoudre. On alla trouver le maire. Il promit qu'il fermerait les yeux et autoriserait l'enterrement le lendemain. L'officier de santé, qu'on alla voir, s'engagea aussi pour obliger maître Chicot à antidater le certificat de décès. L'homme et la femme rentrèrent tranquilles. Ils se couchèrent et s'endormirent comme la veille, mêlant leur souffle sonore au souffle plus faible du vieux.